Et voilà, nous revoilà. Donc, mes très chers amis, vous êtes un petit peu dans la panade. D'où, petite musique. C'est que vous avez quand même, malgré tout, réussi à avoir le buste, mais dans toute cette folie hein, qui entoure l'action, ben voilà, vous arrivez du coup devant un véhicule qui vous attend démarré. A priori, vous voyez la main du chauffeur qui vous demande expressément de venir. Vous arrivez donc avec Emilio qui a sa boîte remplie de ce buste, hein, qui déjà quelque part a un petit peu l'impression de d'avoir presque des petites démangeaisons dans le haut du corps. Vous savez pas pourquoi ça vous gratouille. Et du coup, vous avez après en même temps vous entendez des voix d'hommes qui crient derrière vous. Vous devinez à peu près qui c'est. Et genre toi, Emilio, tu entends les insultes et tu entends ces hommes qui littéralement dire « On va vous tuer, on va vous buter !» Bon, je vais vous éviter de le faire en italien parce que je ne saurais pas le faire, mais... Stoppez-les, et vous entendez par moments des bruits de balles. On vous tire dessus, littéralement. Limite, presque parfois, le... qui vous passe par-dessus la tête. Et, du coup, la voiture est prête à démarrer. Vous arrivez devant. Donc, toi, Emilio, toi, Peter, et ainsi que Nelson... Je vous laisse rentrer dans le véhicule. Qui va où et vous faites quoi ? Il y a un conducteur ou il n'y a pas de conducteur ? Alors, le conducteur, ouais. Il y a déjà quelqu'un volant, il est prêt à démarrer. Il attend juste que vous rentriez dans le véhicule, en sachant que vous êtes suivi de très près. Voilà, en gros, vous avez deux minutes pour rentrer dans le véhicule et vous casser. Je balance de façon nonchalante le buste dans le coffre. Je le ferme, je le claque bien, le coffre bien claqué, et je monte direct à l'arrière parce que j'ai pris du temps en fait juste pour mettre le torse dedans, le buste dans le coffre. Donc j'imagine que quelqu'un est passé devant moi pour aller au siège passager, au siège du mort. Quoi. Je vais tirer à droite comme ça, je vais pas embêter. Si vous devez tirer vous deux, faut mieux que vous soyez à l'arrière, quoi. Ouais, c'est plus simple. Donc voilà. Donc. D'accord. Donc toi, Emilio, tu vas te placer à où exactement ? Rappelle-moi. Moi, je vais me placer à l'arrière, à gauche. À gauche. Toi, Peter, tu te places où ? Je vais à l'avant et je vais fouiller à boîte à gants dès que j'arrive. D'accord. Donc exactement, tu arrives en courant, tu vois la porte, tout de suite tu stops, tu rentres à l'intérieur, tu ouvres la boîte à gants, dans la boîte à gants, tu trouves un revolver. J'ai le bras en compote. Voilà, tu as le revolver qui est là, d'ailleurs d'ailleurs toi Emilio, pareil, quand tu rentres, tu t'assois sur le côté, tu vois à tes pieds, tu vois aussi un revolver qui est posé et Nelson du coup se met à la place qui reste, donc celle qui est juste à côté de toi Emilio, et vous, tout de suite vous voyez le mec qui dit qui vous demande de vous baisser et il commence à appuyer sur le champignon. Au moment où il démarre, vous entendez les bruits de flingue et les vitres la vitre arrière du véhicule explose littéralement. Tu vous retrouves avec des morceaux de verre sur la tronche. Ça picote. Ah. Ah. Ah, je veux. Donc là, le mec... Alors, c'est Alfredo. Alfredo qui est au volant. Il te dit, mais merde, mais c'est qui ce gars-là ? Genre, qu'est-ce que t'as foutu, bordel ? T'occupe, t'occupe. Accélère, amène-nous à une planque. Bon. Vous voyez, vous entendez le crissement des pneus, le gars qui fait un burn avec une Alfa Romeo, mais genre, c'est pas la super Alfa Romeo qui speed, tu vois. C'est vraiment. C'est pas un vieux modèle, c'est pas dégueulasse, mais. Avec son tracto, là. Voilà. Non, c'est plutôt. Après, tu vois que c'est quand même une voiture plutôt costaud. Genre, ça peut encaisser un peu plus facilement les balles que d'autres véhicules, tu vois. Et donc, ça et un peu, il part un peu en vrille, commencer à speeder un peu sur la place des Duomo. Donc, il y a des gens, ça commence à crier. Vous avez la police qui est dans le secteur, qui, avec des sifflets, qui commence à siffler dans tous les sens. Seulement, au moment où vous partez, eh bien, derrière vous, vous voyez, donc, d'un autre coup, une voiture du même type qui commence à fuiter, qui vous prend en chasse. Vous voyez d'ailleurs que sur le côté, il y a un mec qui a descendu sa fenêtre, qui s'est littéralement assis sur la portière et qui commence à vous tirer dessus. Vous voyez donc Alfredo qui essaye de virer. Ça part un peu en vrille dans tous les sens. Vous, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous restez planqué ou vous essayez quand même de d'agir, de faire quelque chose? De riposter, quoi. Voilà. Bah, je dis à Emilio, riposte. Genre, vas-y, alors, fais-toi tuer. J'ai pas attendu qu'ils me le disent. Okay. Je me suis retourné, tu vois, je me suis mis sur le ventre, adossé à la banquette arrière, avec le flingue bien, le revolver que j'ai trouvé par terre bien en main. Et je commence à tirer déjà sur le gars en fait qui nous tire dessus en fait. Ok, bah dans ce cas là tu vas me faire un jet de d'arme à feu. Alors, j'avoue que je n'ai pas ta fiche donc je n'ai aucune idée. Arme de poing. Pas de malus dû à la vitesse. J'aime bien les malus. Je prends appui sur la banquette arrière, tu vois. Je suis bien assis. Oui, alors c'est vrai qu'en même temps, tu vois qu'Alfredo fait des espèces de petits trucs de droite à gauche pour essayer quand même de ne pas faciliter la tâche au tireur. Hein. Bah oui, donc, bon, même pour toi, c'est quand même plus délicat parce que tu as des à-coups. Ça fait pouf, pouf. Tu vois, donc tu vas quand même essayer de tirer, mais. Voilà, donc on va dire que ça va être un tir, mais. En fait, de difficulté moyenne, hein, parce que c'est pas, c'est pas normal, mais c'est un peu plus difficile que d'habitude. D'accord. Bah, j'ai fait une 2 étoiles et 22. Et donc, bah, du coup, c'est une réussite, si j'ai bien compris. Mmh. Ouais. C'est une réussite majeure. Ok. Donc, tu commences à tirer. Tu vois que dans un premier temps, t'as le gars qui t'a tiré dessus en premier, qui a failli te toucher. C'était vraiment très proche. Et tout de suite après, toi, tu tires dans la seconde et tu vois en fait la balle qui vient heurter son épaule, l'épaule qui tient son arme. Et tu vois l'arme en fait qui file, enfin, genre qui perd son arme et tu vois le gars qui s'effondre un peu sur le côté, il est presque à deux doigts de tomber du véhicule parce que dans le mouvement, en gros, comme il était assis sur la portière, il a failli jarter, mais que il a réussi à se retenir et du coup il re-rentre à l'intérieur du véhicule. Dans l'autre côté, tu as Nelson qui lui aussi en gros a une arme avec lui et qui essaye, donc tout comme toi, de viser par contre lui le chauffeur. Du coup, bon, il a un peu plus l'habitude que toi des armes, mais bon, il est quand même lui aussi sujet au fait que le chauffeur bouge un peu dans tous les sens, que Alfredo bouge un peu dans tous les sens. Du coup, il va tirer. Alors, c'est un jet que vous ne verrez pas malheureusement, mais moi je vais le faire quand même. Eh oui! Puisque je n'ai pas les stats de Nelson. Tiens, je n'ai pas les stats. Donc je vais le faire un peu à ma sauce tout seul comme un grand. Du coup, hop. Voilà. Ok, donc il tire au mieux qu'il peut. Seulement, mais malheureusement, la balle fracasse le pare-brise du véhicule, occasionnant quand même une petite embardée du véhicule qui poursuit derrière. Mais il n'arrive pas à toucher le chauffeur, qui réussit quand même à se rattraper. Mais vous arrivez quand même à le distancer un peu plus. Du coup, grâce à ça, vous arrivez quand même à distancer un peu plus le véhicule, mais ils sont toujours à portée. Seulement, c'est là où les choses se compliquent. C'est que au détour d'un virage un peu serré, un deuxième véhicule se met dans la course. Et au même moment, vous voyez que une autre personne se met à la fenêtre du véhicule. Seulement, c'est pas avec un flingue qu'il va tirer. Ah non. C'est avec une Thompson qu'il va vous tirer dessus. Et là... C'est pas la même chose. On est dans un autre système. C'est-à-dire que là, ça peut piquer très fort. De votre côté, vous voyez ça, qu'est-ce que vous faites? Quelle est votre réaction déjà à la vue de ce gars qui arrive avec une Thompson? Moi, je tremble avec le revolver dans la main, couché en dessous de la banquette. Hein. La voiture où il y a la Thompson est devant la première voiture? Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que vous avez pris un virage. Vous avez réussi à prendre quelques distances sur le véhicule qui vous poursuivait juste avant. Ouais. Mais seulement au détour de ce virage, vous avez vu d'une autre rue débouler en fait ce véhicule qui s'est un peu placé devant celui qui vous poursuivait. Donc, c'est... En fait, il est un peu plus près que de ça de vous, sans être trop proche. Il vous colle pas, il s'est pas du pare-choc, quoi. D'accord. Il est pas trop. Oui, il a 4-5 mètres de nous, un truc dans le genre. C'est ça. Enfin, peut-être okay. Même 10 mètres. Oui, 10 mètres, ouais. C'est pas. Voilà, c'est. Vous voyez d'ailleurs que au fur et à mesure que vous avez les gens qui sont dans la rue, qui courent dans tous les sens, vous voyez des gens qui passent en courant, d'autres qui se jettent pour pas se faire rouler dessus, parce que Alfredo il essaye quand même de ne pas tuer les gens, de ne pas écraser les passants, mais c'est dur. D'abord se sauver, quoi. Sa peau avant tout et la vôtre en même temps. Donc vous voyez quand même des gens qui crient, qui sautent, ça, c'est un peu le bordel dans la rue. Les rues sont assez étroites, en plus, là où vous êtes. Du coup, c'est un peu genre la course-poursuite classique avec un étal qui est sur le côté. Ça, vous explosez l'étal. Il y a des fruits qui volent dans tous les sens. Ça reste un peu le bordel. Et ce gars qui est là. D'accord. Qui s'apprête à tirer. J'ai visé le conducteur. Mais j'ai visé le conducteur et en même temps je me dis, moi si je le rate, je toucherai peut-être le pare-brise. Et le pare-brise, s'il se bouffe les morceaux de verre du pare-brise dans la gueule, il devrait déjà pouvoir un peu dévier de sa route. C'est le. D'accord. C'est un peu ce que je me dis quand même déjà. D'accord. Voilà. Du coup, je tire. Allez. Alors. Tu tires, mais malheureusement, en gros, le gros bordel qui y a autour de vous, les gens qui crient, les impacts que subit le véhicule quand même, parce que Alfredo il essaye de gérer, mais c'est des rues assez étroites hein, malgré tout. Et au moment où tu vas pour tirer, en fait, au moment où tu as bien calé la tête du mec sur le viseur de ton flingue, c'est le moment où Alfredo percute une poubelle en faisant une petite embardée. Et en gros, au moment où tu appuies sur la détente, ta main part en l'air en fait, et tu tires en gros quasiment presque dans le toit de ton propre véhicule. Et c'est le moment où le mec avec sa Thompson va tirer. Et ça peut faire très mal. Il amène le fusil de sa Thompson dans votre direction. C'est violent, hein. C'est flippant, hein. Tant de violence dans ce... et vous entendez... Vous voyez des balles qui fusent dans tous les sens. Ça percute le véhicule. Toi, Emilio, en fait, ce qui se passe, c'est que... Il a clairement tiré en gros, essayé de viser dans ta direction. Par contre, le problème, c'est que tout comme toi, y a des déchets partout. En plus, une fois que Alfredo lui rentre dans quelque chose, eh bien, le véhicule qui est derrière prend aussi dans la tronche, hein, forcément. Mmh. Et donc, au moment où il va pour tirer, en fait, il te vise. Seulement, il vise légèrement à côté. Tu vois les balles qui fusent un peu. Une balle qui passe juste à côté de toi, qui vient se planter dans le toit. Mais genre, tu l'as senti presque, elle t'a fait une entaille sur la joue, tu vois. Il y en a d'autres qui viennent. Il y en a une qui vient se planter littéralement dans la tête de Peter. Qui fait un trou et qui ne réussit pas à traverser la pute-tête. Puisque Alfa Romeo est bien connu pour avoir des appuis-têtes très solides. Ah, c'est le cœur de vache d'Italie. Et vous entendez Alfredo, il fait « Soli merda, qu'est-ce qu'il y a ?» Genre, il commence à gueuler et il appuie plus fort. C'est le gros bordel. Le mec, c'est merdé, en gros, il essaie de se remettre comme il faut. Et vous voyez Nelson qui, se penche un petit peu sur le côté, fébrile avec son arme, et qui essaie de tirer sur le mec. Est-ce qu'il va réussir? C'est une autre chose. La question est vite répondue, moi j'ai envie de dire. Ok, donc il s'apprête à tirer et dans la folie du truc, eh bien la balle réussit à toucher le phare de la voiture. Et c'est pas mal quand même, franchement il a bien réussi son coup, mais malheureusement il ne réussit pas à tirer sur le mec. Bon, Alfredo, lui, fait ce qu'il il enchaîne les virages, hop hop, frein à main, droite, gauche, un vrai drifter dans une véhicule de course, quoi. Et à un moment donné, vous arrivez à un moment où, malheureusement, devant vous, c'est une impasse. Impasse pour la voiture. Car vous voyez que ce sont des poteaux qui viennent empêcher le véhicule de passer. Seulement, vous, si vous le souhaitez, si vous sortez du véhicule, vous pouvez vous en sortir. Qu'est-ce que vous faites? Vous voyez Alfredo qui est en mais ta merde, merde. Et qui va jusqu'au bout, il freine d'un coup. Et vous retrouvez la voiture à l'arrêt, l'autre arrive plein gaz derrière vous. Qu'est-ce que vous faites? Ouais, je regarde le gars arrive. Dans 5 secondes, le gars tire, tu tires, tu tires. Et moi, je recommence à tirer en fait. Je sors de la voiture et je tire en fait. Tu tires en étant à l'arrêt, genre tu fais comme ça, genre en mode badass, tu bouges pas d'un iota, ou tu tires en reculant, en te barrant, en courant vers loin, quoi. Alors, je lance tout loin. Genre. C'est vrai que ça serait très tentant de faire ça. Non, mais je tire. Allez, moi je le fais ici, allez, moi je suis joueur. Je sors de la voiture, je me mets bien droit, je pointe mon flingue sur la tête du conducteur et je tire d'un coup sec. Et vas-y. Bon, là, tu n'as plus la difficulté en gros de ton véhicule qui bouge puisque tu es à l'arrêt. Après, c'est vrai que le gars, en gros, il est en mode tout chousse, donc sa voiture bouge pas. Donc là, tu peux tirer normalement. Ah, je pense que tu peux essayer de le relancer. Hein. Ouais, j'ai relancé. Attention, parce que si tu te foires à celui-là, ça peut faire très mal. Là, c'est quand même plus qu'à foirage, moi, j'ai envie de dire. Oui, non, mais là, je retente, là, j'y sens, quoi. Non, pas comme ça, Emilio. Pas comme ça. Et tu peux pas utiliser... Au moment où tu vas pour tirer... Je peux utiliser la chance, là. Bah, je sais pas pour Je suis pas sûr. Hein. Bah, non, je pense pas. Pas sûr. J'ai pas regardé les livres de règles. Mais non, mais je j'utilise pas de chance, c'est pas grave. Voilà, c'est foiré. Au moment où tu tires, ton arme te pète littéralement dans les mains. Putain. La balle en fait explose dans l'arme. Et en gros, tu as les mains ensanglantées, vraiment, tu as vraiment les mains blessées. Et au même moment, en gros, tu vois le véhicule qui est prêt à te foncer dessus, parce que limite, même si tu te mets à côté, si eux ils foncent dans le véhicule, donc je te laisse quand même la possibilité de te casser avec un jet de. Alors attends, c'est quoi? C'est. On va te faire quoi comme jet? Enfin, j'ai toujours cette mouche là qui m'énerve. J'ai envie de dire force, mais. Après, je sais jamais lequel qu'il faut utiliser. Parce qu'il n'y a pas athlétisme. Non, t'as pas athlétisme. T'as pas athlétisme, mais t'as le truc quand tu cliques sur mouvement. Ouais, mouvement, t'as mouvement. Mais après, je sais pas s'il l'est sur cette fiche-là, le mouvement. Si, je vois. Ah oui, mouvement 8. Mais je sais pas si je clique. Non, si je clique dessus, ça va pas le faire. Non, ça fait rien. Ça fait rien. Non, tu fais un force, hein, tout simple, hein, écoute. Ouais, tu fais un force, honnêtement. C'est tellement classique que j'ai envie de te dire. C'est bien se lancer. Ah, cette pression! Ah. Ça veut pas se lancer? J'ai lancé un dé 100 et sur 65, c'est ça? Ah, tout le monde a peur. C'est la peur. Ça marche. Ah, si, c'est bon. Je vois ton truc. 75, c'est pas mal. Bah, non, c'est pas bien. Là, si tu veux, tu peux prendre de la chance ou. D'ailleurs, si t'as pas fait votre. Tu as de chance, les enfants. Ouais, on a pas fait. Ou alors retenter. C'est au choix. Soit tu prends de la chance pour réussir. Tu feras 10 points. Ouais, je vais prendre la chance. Je vais prendre la chance. Ok, donc. Donc n'oublie pas d'enlever la chance. Tu te retournes. Tu commences à courir comme un dératé avec les mains ensanglantées. D'ailleurs, tu vois que toi, Peter. Peter, il fait. Il fait quoi, Peter? Vu l'occasion, je vais tenter de tirer aussi, mais fébrilement. Ah, est-ce que tu tires pareil que lui en étant fixe, stable, ou tu tires en reculant, limite en étant sur la fuite d'arme, mais factice une fois dans sa vie. Donc, ouais. Il sait pas comment il fait, donc il tire normal, tu vois. Il prend le truc, il tire. Ouais, mais est-ce que quand tu tires en mouvement, genre en faisant comme ça, genre en courant et en même temps faire. Ou genre comme non, ça. Non, alors bon bah voilà, je prends le pistolet, moi je tends comme ça et puis je tire normal, tu vois, et le pistolet me revient dans la tête s'il faut, mais. D'accord, et bah écoute, fais ton jet là. Je suis américain. Arme de poing, on est d'accord. C'est ça, arme de poing, ouais. Et bah j'aurais. Eh bien, peut-être que ton sang d'américain, ton sang de Yankee s'éveille en toi, tu as ce souvenir de ce film. Que tu avais fait il y a 2 ans où tu jouais un cowboy dans le désert du Mexique, et tu avais pris quelques tours vite fait pour tirer sur des boîtes de conserve, et là du coup moment où tu tires tu visualises. Ah, on a perdu je crois. Ah non. Ouais, sur Foundry on t'a perdu. Oh non. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, t'inquiète. T'as le temps de te reconnecter. Donc, mais du coup, tu visualises littéralement cette boîte de conserve quand tu veux attirer sur le chauffeur. Ta balle sort bullet time. elle file, tu vois que le chauffeur, lui, est concentré sur vous. Ah, tu es revenu. Le chauffeur est concentré sur vous, il est prêt à atteindre son objectif quand une balle vient traverser le pare-brise et lui rentre en pleine tête. Le gars, le chauffeur, meurt sur le coup, évidemment, et en gros, s'effondre sur le volant, faisant tourner le volant du véhicule, le véhicule qui part en embardé et littéralement s'explose contre un mur avant même d'arriver à votre hauteur. Les personnes qui sont dans le véhicule sont... D'ailleurs, le gars avec la Thompson est littéralement projeté à l'extérieur. Vous savez pas trop ce qui va venir de lui. Peut-être il va mourir. Enfin, limite, vous en avez un peu rien à foutre. Vous partez en courant. Mon personnage, j'ai choqué. Hein. c'est la première fois que je suis... Vous voyez au loin le deuxième véhicule qui, lui, arrive, mais cette fois-ci beaucoup plus prudemment, puisqu'il s'arrête quelques mètres avant la voiture explosée, et ils commencent tous à sortir du véhicule. Nelson, lui, se retourne, lui, un fou, et vous gueule qu'il faut se casser. Alfredo lui fait la même chose. On se casse, vite! Et vous commencez donc à courir, je suppose, tous ensemble dans les rues de Milan. On a le temps de récupérer ou pas le buste? Ah oui, vous pouvez. Par contre, cette fois-ci, vous n'avez pas trop le choix. Il n'y a pas une couverture dans la... Elle est enveloppée. Vous l'avez enveloppée. Oui. Mais voilà, il va falloir la porter. Donc, qui s'y colle? Par contre, MJ, tu penses pas que, vu que j'ai tué une personne, je peux pas faire un truc de santé mentale, vu que... C'est vrai que sur le coup, moi, j'étais à fond dans mon truc, mais comme c'est la première fois que tu tues quelqu'un... Il est vrai que j'ai tué tous les passagers là, tu vois, j'étais oulala. ouais, après je pense que t'es pas forcément focus sur les autres passagers, c'est vraiment le mec ce qui se passe après l'impact de la balle dans la tête du chauffeur, limite ça t'as déconnecté total. Donc là, effectivement, tu vas faire un petit jet sentimental pour savoir comment tu perds ce qui vient de se passer. Ouais. D'ailleurs, vous voyez Peter qui est un peu estomaqué, qui sait pas trop quoi dire. Oh, franchement. Pendant ce temps, moi, tu vois, je dis à Nelson de récupérer le bus, parce qu'en fait, moi, j'ai les mains en sang. Et Peter, lui, il a son bras en écharpe. Donc, il y a que lui vraiment qui peut vraiment prendre le. Ouais, bah du coup, bah tu vois Nelson qui commence à courir, il attrape le bus. Vous remarquez que, à votre grande surprise, le bus n'a pas l'air si lourd que ça, en vrai. Même si c'est passe dans une brouette, et qu'il le chope sous le bras et il commence à courir avec. Et au passage, Peter, tu prends pas si mal que ça, en vrai. Même plutôt bien. Alors, est-ce que c'est pas l'adrénaline l'adrénaline qui fait que t'as pas vraiment le temps de réaliser ce que tu viens de faire? Alfredo te tire limite comme ça par la chemise, et du coup le temps que t'es dans le feu d'action. Si je l'aurais pas tué, ils auraient tué Emilio. Voilà, il y a ça aussi, mais tout va tellement vite que en soi, t'as pas vraiment le temps de réaliser ce qui vient de se passer. T'as un peu Alfredo qui te tire par la chemise. Les autres arrivent très vite. Donc, hop, tu te retournes. Un peu de et j'y vais. Voilà, tu te retournes et allez, hop, ça commence à cavaler. Vous courez dans les rues. Vous voyez les autres, ils s'arrêtent quelques secondes à côté du véhicule accidenté pour voir s'il n'y a pas quelqu'un de vivant. Vous voyez que, a priori. Voilà, on a vraiment perdu Al. Mais a priori, il y a personne qui a dû vraiment s'en tirer. Là, s'il y a quelqu'un, il n'est pas en état de vous poursuivre à pince. Ah, donc, il reste dans le véhicule. Il l'espère. Ouais. Oui, voilà. Donc, vous vous mettez à courir. Ça crie dans tous les sens. Vous voyez que les gars qui sont derrière vous commencent à... Quand même, ils ont leurs armes avec eux, donc ils essayent de vous tirer dessus. Vous entendez des sifflets de la polizia italiennes qui aussi retentissent dans les dans divers rues, diverses rues de la ville. Et donc qu'est-ce que vous voulez faire? Quel est votre plan là maintenant? Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Est-ce que vous avez un endroit où vous aimeriez aller? Voilà. Là tout de suite là comme ça, vous êtes on va dire que vous êtes un peu écarté du centre-ville. Vous avez dû faire à peu près allez 10 minutes en voiture mais genre en mode catastrophique dans les rues. Donc en gros, vous savez que allez, vous êtes pour vous situer après à peu près à 2 kilomètres de 2 kilomètres de votre lieu de résidence. À l'est. J'aimerais bien faire un jet d'idées. Au secours. Si tu veux, tu peux. Vous pouvez faire un jet d'idées, hein, y a pas de souci. Le jet d'idées, c'est intelligent, c'est ça? Hein? Oui, on va essayer de trouver l'ambassade. L'ambassade des États-Unis, d'Angleterre, laquelle? Moi, je te dis, il faut trouver l'ambassade italienne, ils vont nous protéger. Voilà, c'est ça. Peter, l'ambassade italienne, il n'y a pas de problème. Italie. Vous voyez Alfredo et qui te regarde genre en train de t'insulter de tous les noms. En disant, mais t'es pas sympa, non, t'es pas fou, lui. Et toi, Emilio, par contre, Emilio, tu te rappelles que... ben voilà, Alfredo, il est du coin. Ils ont peut-être des planques dans le secteur, vu qu'ils ont toujours un petit peu de contrebande ou des moments où ils doivent se planquer de la police. Donc tu commences à lui crier en italien de filer. Bah, viens, amène-nous dans une planque, dépêche-toi là. Et donc Alfredo, bon, il fait ok, suive-moi. Et vous voyez que ça court. Et à un moment donné, vous avez au détour de ça, 3 agents de police. En gros, Alfredo vous dit que si on arrive à passer ces 3 agents et qu'on file à droite, on est tiré d'affaire. Les 3 agents de police, ça arrive vers vous. Vous savez pas trop si... c'est des agents de police sympas ou véreux. Donc vous savez que tous les agents de police de la ville sont pas très sympas. Je dis à Peter, joue la comédie. Mais vous les voyez qui courent dans votre direction. Alfredo vous fait part quand même que il serait pas très très chaud pour essayer de faire des gars sympas avec. Il a pas trop confiance, clairement. Vous voyez son visage. C'est pas trop ça, quoi. Lui, il serait plus de dans l'idée de soit on les fuit, soit on leur tire dessus, mais on veut pas leur parler. Qu'est-ce que vous faites? Bah, on peut essayer de forcer le passage et passer direct. Enfin. Peter, toi, t'es quand même. Malgré le fait que t'es tué, que t'as quand même bien géré la situation. T'es vraiment dans l'adrénaline, dans l'action pure. Ton sang de Yankee a fait surface, tu vois. Donc tu te sens quand même gonflé. Enfin, j'ai pas envie d'abattre la police, tu vois. C'est... Non, mais on va dire que t'es pas dans une peur exacerbée. T'es sur le qui-vive. Mais t'es pas dans la peur de... T'es dans l'action. Pour l'instant, tu viens. Mais moi, je passe par... j'ai envie de passer, forcer le passage. En disant, ah, au secours. Ils tirent, ils sont fous. Mais qu'est-ce qui se passe, là? Enfin, j'essaie de les baratiner, quoi. Ok, donc vous voyez que... Les agents de police commencent à arriver un peu fatigués, mais ils sont à peu près à une dizaine de mètres de vous. Vous les voyez qui s'approchent un peu tranquillement, mais qu'ils ont tous une main sur leur pochette de flingue. Et ils ont la main en avant, genre calma, calma. Tu vois? Et Nelson est un peu en amont de vous. Il a le buste vers lui. Et tu vois que il n'est pas très serein. Il est clairement pas bien. Sur son visage, vous voyez que il est un peu en état de stress, en état de choc. Et vous notez que il a extrêmement il a beaucoup beaucoup de mal à respirer. Il est haletant, il est en sueur. Enfin, vous dites pas forcément que c'est du lourd à porter, mais vous ne vous sentez pas dans un état normal. Il a énormément de mal à respirer. Il est paniqué. Et au moment où vous sentez que les agents de police vont arriver à votre hauteur, Nelson s'enfuit avec le buste. Il passe limite quasiment sur le côté des agents de police. C'est là que un des agents de police sort son arme et littéralement, sans aucune semence de quoi que ce soit, tire dans le dos de Nelson Bessborough, qui fait quelques mètres et s'effondre sur le sol. Moi, je crie, je tire sur le policier qui a tiré dessus, hein, de colère, quoi. Ok. Enfin, là, quand je vois ça, qu'il a buté mon camarade d'un simple coup, je réfléchis pas, je tire. En plus, là, j'ai le revolver avec un peu de sang, hein, partout. Vous êtes vraiment à bout portant parce que les agents de police sont arrivés à votre hauteur. Voyez d'ailleurs que les deux autres agents, eux, ont leurs armes aussi, mais ils s'apprêtent à sortir l'arme. Donc, toi, dans un élan La panique, hein. de panique, tu sors ton arme et tu pointes un des agents de police. Je te laisse tirer. J'ai pas envie de le tuer non plus. Ah bah tu tires. C'est un Blessé. moment de panique. Ok. Bah je rate. Je suis pas un tireur, hein. Tu commences à armer ton flingue et au moment de tirer, tu es rattrapé un peu par tout ce qui se passe. Tu vois cet agent de police, tu te vois toi en train de tenir l'arme et le mettre en joue. Et au moment où tu t'apprêtes à tirer, eh bien, ta main tremble et la balle vient littéralement se planter dans un mur qui est juste derrière lui, mais le touche absolument pas. Le gars, en fait, l'agent de police recule en arrière, limite tombe parce qu'il est surpris par ce qui vient de se passer. Par contre, les deux autres, eux, vous mettent en jeu. C'est le moment où, au moment où ils vont vous tirer dessus, que choisit Alfredo pour tirer deux balles coup sur coup. Deux balles qui vont se loger toutes deux dans les têtes des agents de police. Les deux s'effondrent. Le troisième, qui lui était encore au sol, se traîne littéralement au sol pour essayer de s'échapper et froidement, Alfredo tire une troisième balle qui vient tuer le troisième agent de police. Il y a maintenant quatre corps inanimés au sol. Et le quatrième, c'est votre ami, c'est Nelson. Nelson qui Vous avez l'impression qu'il n'est pas totalement mort, Il se traîne au sol. Une mare de sang vient se former en dessous de son ventre. Je viens et, et vient imbiber le tissu là, qui entourait le buste. Vous allez me faire tous les deux un jet de Sam, s'il vous plaît. J'ai raté. Ouh. C'est qui? Qui c'est qui est mort? Emilio. Emilio. Aucune émotion. Tu es d'un sang-froid incroyable. J'ai un regard très sombre, en fait. C'est très intérieur. Tu gères la situation. Après, c'est pas la première fois que tu vois des gens mourir. Et mourir des gens... Enfin, notamment mourir de sang-froid en mode abattage pur et simple. Mmh. Quand tu bossais au pays, t'en as vu des choses. Des choses pas jolies, jolies. Toi, t'as jamais rien fait. Devant moi, enfin, voilà, mais t'étais là. T'as vu, tu sais ce que c'est. La mort, ça fait partie du boulot. Après, c'est sûr, c'est Nelson. Mais tu sais que... Bah, il y a plus important maintenant. Il faut vous sauver, vous. Et que la mort soit pas vaine, quoi. C'est ça. Et Catherine aussi. Faut la retrouver. Et Orlando. Et on, vous saviez que dès le début, cette chose... pouvait arriver et que vous êtes là pour une chose plus importante encore. Toi par contre, Peter, c'est le coup de grâce. Tout te revient en pleine figure. Cet homme que tu as tué et ton ami Nelson qui vient de s'effondrer et c'est quelque chose que tu ne supportes absolument pas. Clairement, tu vas me faire un petit dé 6. Tu es tremblant. Tu es en état de choc. Tu vois que... Emilio vient te soutenir, se placer à côté de toi, te porte littéralement sur un côté, enfin te propose ton épaule pour avancer. Mais tu es comme la vue, ta vue est brouillée, tu te rends pas compte. Alors est-ce que c'est les larmes qui coulent sur tes yeux qui te brouillent la vue? Est-ce que c'est la pluie qui ne tombe pas puisqu'il ne pleut pas? Oui, mais tu ne sais pas, tu ne saurais dire. Alfredo, lui, clairement, s'est mis à côté de vous, il vous gueule dessus. Tu n'entends pas du tout ce qu'il dit. Toi, Emilio, tu sais, il est en train de dire que. En tout temps, en fait, je me suis arrêté, tu vois, un quart de seconde pour remarquer ça, enfin, pour prendre conscience de la mort de Nelson. Et je me suis en même temps baissé pour récupérer le buste. Mmh. Que je prends, que j'attrape je l'attrape, tu vois, dans son contenant et je le mets sur le dos comme ça en mode baluchon pour le tenir d'une main comme ça. Voilà, donc au moment où tu fais ça, moi je vais peut-être prendre les papiers qu'il avait sur lui pour pas qu'on puisse l'identifier. Alors, je sais pas si toi personnellement tu es en état de penser sur quoi que ce soit. T'es vraiment, voilà, même si tu n'y as fait que un en. Voilà, non, c'est quand même quelque chose de très très compliqué à gérer, malgré tout. Là, c'est vraiment presque un peu en mode zombie. Tu vas suivre les gens, tu pourras marcher, tu pourras avancer, mais un peu chaos debout, quoi. Genre, je suis voilà. Tu vois d'ailleurs que, avec horreur, que ton ami Emilio transporte du coup le buste. Dans la couverture ensanglantée du sang de Nelson qui coule sur les habits d'Emilio. Ce qui fait que tu auras un peu un recul, pas vraiment collé à ton ami. Ouais. Et Alfredo bien, va un peu vous booster pour accélérer le pas et très vite disparaître. Alfredo de prendre les armes sur le corps de Nelson, ses armes. D'accord, ben j'ai vu qu'il fait ça. Qu'il savait faire avec les armes, et donc je me dis déjà ça. Et en plus, si jamais il trouve le corps, il faut pas qu'il se dise bah, ce gars était armé, il a menacé les flics avant de s'enfuir. Enfin, ouais. Donc voilà, vous finissez par suivre Alfredo qui va vous emmener dans une planque. Et Alfredo vous dit écoutez, pour l'instant, on peut pas bouger. On essaiera de repartir dans la nuit. Ou d'aurore, parce que là bon, c'était la fin de soirée, vous étiez en plein spectacle, donc là en gros il doit être à peu près 23h, il va vous dire bon, on essaiera de partir au petit matin, mais pas avant. Du coup vous rentrez dans la planque et vous allez attendre là jusqu'au petit matin. Maintenant nous allons faire apparaître bien quelqu'un d'autre. Albert, est-ce que tu m'entends ? Je suis là. Albert, tu as cherché avec insistance ces personnes dont on t'a donné les noms. Ces fameuses personnes qui ont côtoyé ton cher oncle, le professeur Smith. Et la piste t'a mené à travers quelques villes d'Europe. Dans un premier temps, tu es passé à Paris. Paris où, en ayant enquêté... du mieux que tu pouvais, tu as quand même réussi à avoir des informations sur ce groupe de 4 personnes. Et on t'a indiqué qu'ils avaient repris le train pour l'Orient Express pour bien l'escale suivante. Et donc ce que tu as fait. Tu es donc parti ensuite... Alors je crois que c'était à Paris. Après Paris, c'était Lausanne. Et je suis pas, il me semble. Oui, c'est ça, Lausanne. Oui. Ouais. Lausanne, pareil. T'as eu vent de quelques soucis en ville. C'était plutôt calme et puis il y a eu quelques petits problèmes. Mais voilà, en fouillant un petit peu, en faisant appel à tes contacts. Ça t'a envoyé du coup à Milan. Milan, qui a priori est peut-être la piste la plus fraîche et la plus probable pour toi pour retrouver ces 4 personnes. Tu es donc arrivé à Milan et dans un premier temps, t'as fait un peu le tour de la ville. T'as remarqué que la ville était assez bizarre. Jean était assez froid, renfrogné, très peu amical. Tu as même vu des gens pleurer, limite assis par terre sur le caniveau, en train de pleurer, d'autres s'engueuler. L'atmosphère de la ville est complètement surréaliste. On t'a dit que Milan était une ville assez vivante, assez festive, avec des gens pleins, enfin, avec le sourire aux lèvres. Et là, tu arrives dans une totalement névrosée, en dépression totale. C'est surprenant. T'avais jamais vu ça avant. Et t'as entendu d'ailleurs que ils recherchent. Une fameuse diva, la diva Cavolaro. Attends, j'en ai dit ça. Hop. La diva Cavolaro. T'as jamais entendu parler d'elle avant. C'est la première fois. La diva Cavolaro. Voilà. Tu sais que... Comment dire... il se tient normalement un opéra ce soir. Voilà, voilà, au moment où tu arrives sur Milan, et on dit qu'il est 11h du matin. Tu es arrivé par l'Orient Express, évidemment. Mmh. Et tu sais que se tient ce soir un opéra, l'Aïda. Et que, logiquement, c'est cette fameuse diva Cavolaro qui doit chanter si on arrive à la retrouver. Après, tu dois aussi, de ton côté, essayer de retrouver ces quatre personnes qui ne sont autres que Catherine Lamberston, Emilio Duranti, Peter T. Franklin et Nelson Vesborough. Oui, c'est surtout ça qui m'intéresse. Voilà. On te conseille un petit hôtel pas trop mal, plutôt bon marché pour toi, qui est un petit peu en marge de la ville, pas trop loin, mais tu sais qu'avec un petit taxi ou quoi, tu seras vite en pleine ville. Alors, qu'est-ce que, dans un premier temps, tu veux faire en sachant que on t'a dit que ces quatre personnes, a priori, étant donné qu'ils sont des moyens assez élevés, seraient probablement logés dans les meilleurs endroits, probablement au centre-ville même de Milan. Alors, du coup, qu'est-ce que tu voudrais faire dans un premier temps? Quelles sont tes démarches? Eh ben, puisqu'il est quand même encore assez tôt dans la journée, je vais pas aller de suite à l'hôtel. Hein. Mmh. Pour moi, il n'y a aucun lien de toute façon entre eux et la diva. Parce que tu me parles de la diva, bon. Oui, parce que c'est vraiment tout le monde en parle, mais majeure, pour moi, il n'y a aucun lien. C'est ça, c'est l'info majeure dans la ville. Toi, t'arrives là, tu vois les gens en dépression totale, la diva, tu vois même des portraits d'elle dans la rue avec des gens qui la pleurent. Tu dis, mais enfin, c'est surréaliste ce qui se passe. Et voilà. C'est un peu pour dresser un peu le portrait de la ville à ce moment-là et ce qui s'y passe au moment où tu y arrives. Alors, faut t'imaginer un peu Milan à cette époque. C'est l'Italie de Mussolini qui est arrivée au pouvoir. C'est donc les chemises noires qui sont un peu à la recherche de tous les communistes qui traînent dans le secteur pour littéralement les défoncer. Donc c'est une ambiance un peu délétère voilà, sous forme de des groupes de 10-15 mecs habillés en chemise noire avec les bottes, des Rangers qui marchent et qui sont là en train de fumer, en train de rigoler, qui emmerdent des gens possibles s'ils veulent. Et on leur dit rien, quoi. Ils sont en toute impunité, ils sont avec la police, tout se passe bien, personne les emmerde. Voilà, tu sens un petit peu ce côté-là, et toi, ton œil de journaliste dit que. Il ne va pas falloir faire trop de vagues. Voilà. Oui, on va rester discret. Voilà. J'ai un contact sur place. Effectivement, il s'avère que tu as un ami, un ami italien que tu as connu lorsque tu faisais tes études. Qui avait travaillé un petit peu dans le journal où tu travailles à l'heure actuelle, hein, qui, de ton souvenir, est milanais, et que tu te rappelles qu'il était rentré au pays. Je vais aller le voir. À l'heure actuelle. Ok. Mmh, mmh, mmh, mmh. Alors, tu vas me faire. Alors, du coup, je vais faire un jet pour toi. S'il te plaît. Alors, je touche plus à rien, je tente plus rien. Pourtant, j'ai l'impression que ta caméra pourrait fonctionner, mais elle est toute noire, mais elle devrait marcher normalement. Elle devrait, hein. Moi, je me vois sur fond gris, je vous vois pas, vous. D'accord. Mais on va rien j'y toucher. Refresh depuis tout à l'heure en plus. Ouais. Non, mais c'est pas grave, on va rien toucher. Du coup, qu'est-ce qu'on va te faire comme truc Parce que moi, ouais, il faut que je regarde tes stats. Parce que moi, l'idée, ce qui m'intéresserait, là, je pense, c'est d'aller voir ce contact, déjà pour me présenter à lui et demander son soutien dans mes recherches. Et sûrement, enfin, j'espère peut-être il aura un tuyau pour moi. Alors, Pour, je vais faire un jet de toc pour savoir si tu connais l'adresse, enfin l'endroit où il vit, déjà, dans un premier temps. Ok, donc. Effectivement, tu avais noté l'adresse quelque part, l'adresse que tu dois avoir normalement dans ton portefeuille. Je sais pas pourquoi tu l'as gardée. Peut-être ton instinct de journaliste qui dit qu'il vaut mieux tout garder. On sait jamais oui, j'ai un petit calepin si. avec toutes les adresses. Voilà. Voilà, donc tu as tous tes contacts. Et effectivement, eh bien. Tu as l'adresse, tu demandes à un taxi de t'emmener là-bas et tu te retrouves devant la porte de son appartement. J'imagine que tu frappes à la porte. Toc, toc, toc. La porte s'ouvre et effectivement, c'est ton ami. Est-ce que tu veux lui donner un nom ou pas? Ou c'est moi qui lui donne? Je te laisse le choix de choisir le nom de ton contact. C'est un Italien, donc après, libre à toi de lui donner le nom que tu veux. Quel nom il avait lui? Gilles. Bien Gilles. Surprise. Alors Gilles, alors attends, en italien, Gilles, ça ferait comment ça? Ah, il avait un nom un peu spécial, c'est vrai. Gille. Non, mais on peut faire Gille. Voilà, Gille. On va l'appeler comme ça. Gille. Suisse. Gille. Trapattoni, vas-y. Trapattoni. Gille Trapattoni, ici, là. Je le marque là, comme ça, je ne l'oublierai pas. Okay. Oh! Mais comment tu vas, Albert? Tu me fais le plaisir de venir me voir, mais je m'attendais pas à ce que tu viennes me voir. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Rentre. Tu fais rentrer. Tu bois un café? Un café, Albert? Ah, Albert? j'entends plus rien. Est-ce que tu m'entends là? Albert est estomaqué, il ne se rend pas compte de la J'ai chance pas qu'il perdu la a. connexion encore. Je sais pas, nous on t'entend, Ah, malheureusement. ok, ça revient. Oui, ça revient. Donc, Gilles t'accueille. Hey Albert, comment tu vas? Ça me fait plaisir de te voir. Viens, rentre. Et Tu veux merci, merci. un café, quelque Ouais, chose? j'espérais te trouver. Qu'est-ce que Un tu petit café, peux. je m'attends un petit café. Allez, voilà. Ah, ça me fait plaisir de te voir. Que fais-tu à Milan? Eh bien, figure-toi, je suis là pour le travail. Oh, si. Ok, alors comment je peux t'aider? C'est le travail qui m'amène. Eh bien, figure-toi, j'ai trouvé un emploi récemment au Daily Express à Londres. Et, Ah, bravissimo, va. bon, je me suis retrouvé catapulté là sur une affaire. J'ai aucune expérience du terrain, alors je comptais sur toi pour me donner quelques tuyaux et m'aider. Puis Bien surtout, je sûr, bien connais pas sûr. la ville. Si, y a pas de problème, je serai Je ton suis à la guide. recherche de quelques personnes ici. C'est. Donc. Qui est ton recherche? Je lui communique les noms, prénoms là, des personnes. D'accord. Je sais pas, j'aurais pas une. Attraper une photographie, on sait rare les Si, photographies. si, si tu peux. Tu as une photo de Peter. De la pochette d'un des films. Alors tu Ah ben vois oui. que c'est une photo en gros où c'est un dessin de lui en fait. Tu vois, c'est un peu des affiches de l'époque où les acteurs étaient un peu dessinés, donc un peu dans l'aquarelle. Hein. Mais c'est très, très ressemblant. Le visage fit, il n'y a pas de problème. Donc tu as cette image. Et tu as évidemment la photo de Catherine Lamberton, puisque Catherine Lamberton est une styliste anglaise mondialement connue qui vit à Paris. Et donc voilà, tu vois une coupure du journal, d'ailleurs du Daily Express. Où elle a fait par le passé des défilés à Londres. Donc tu as une photo de ces deux-là. Après, pour Emilio, tu n'as aucune photo. Et Nelson non plus. Déjà, vu que c'est quand même des personnalités, ça devrait pouvoir m'aider. Alors tu lui donnes ça et lui commence à le regarder. Ah, Attends, du coup, il va chercher, il va regarder s'il connaît. La femme, je la connais. Catherine Lamberton, je la connais. Grande styliste. Elle est déjà venue faire un défilé ici à Milano, mais ça date un petit peu. Mais le jeune, là, ça me dit pas grand-chose. Et peut-être pas encore connu en Italie. Ah. Mais pourquoi tu les cherches? Oh, Qu'est-ce que tu as c'est besoin une longue de... histoire. Ils sont liés à une personne qui a disparu à Londres. Et voilà, ce sont les dernières personnes à avoir été en contact avec elle. Et c'est important pour moi que je les retrouve. D'accord, ok. Si c'est important pour toi, alors je vais t'aider. Il n'y a pas de problème. On peut peut-être faire passer mes informateurs, mes connaissances. Parce qu'il est fort probable qu'ils soient dans des lieux assez aisés de la ville, hein, normal. Hein. Alors, on peut aller peut-être dans la galerie, tu crois? On peut faire ça. Alors, si tu veux, on y va tout de suite. Il n'y a pas de problème. Eh ben, allons-y, oui. Ok. Donc vous partez tous les deux. Tu vois que il a la chance, je sais pas comment, d'avoir son propre véhicule. Alors c'est une petite voiture, hein, mais ça reste quand même une voiture. Et c'est pas donné à tout le monde de rouler en bagnole à ce moment-là. Donc vous filez assez rapidement. Donc pareil, tu remarques toujours pendant le trajet que il y a une atmosphère assez pesante, même si, avec étonnement, tu trouves que ton ami Gillet est toujours bien. Oui, il a l'air de bonne composition. Ben, du coup, j'amène la discussion là-dessus. On m'avait dit quelque chose de. On m'avait peint un tableau un peu plus jovial de cette ville. Ah, si, en ce moment, c'est un moment un peu difficile dans la ville. Vous savez, les Mussolini, les chemises noires, le problème du fascisme dans notre pays. Même nous, tu sais, les journalistes, on ne peut plus parler. Si tu parles contre Mussolini, tu es mort. C'est simple, hein, le journalisme, nous sommes en danger. C'est pour ça que en ce moment je ne peux pas trop faire mon métier, mais après c'est vrai que là nous avons perdu la diva Cavallero, elle a Ah oui, j'en ai disparu entendu parler. et c'est une personne très importante dans la ville car c'est une Milanaise qui aime la ville, c'est une déesse pour nous à Milan. C'est pour ça que les gens sont très triste de ça. Mais en même temps, je... c'est bizarre. Moi aussi, je trouve que c'est très bizarre. L'ambiance très, très triste, c'est un peu bizarre. Mais bon, c'est comme ça. Peut-être ça va aller mieux si on... avec le temps. En tout cas, je dis sur le ton de la plaisanterie un peu que toi, tu as l'air de bien te porter, en tout cas. Ah, toujours, le gilet, la bonne humeur, tu sais, c'est comme ça, hein. J'essaie de rester fort, mais ça vous... Moi aussi, des fois, pas toujours, mais ça va. Du coup, le trajet se déroule. Et puis, vous arrivez dans le centre-ville, notamment dans la galerie. Donc, tu vois que c'est un endroit très sophistiqué. Où il y a tu rentres à l'intérieur de quelque chose. Donc c'est des grands couloirs avec des dômes en verre. Et en gros, sur les côtés, tu vois des boutiques de luxe, des restaurants très chics. Je m'émerveille. Ouais, non, mais c'est magnifique, hein, avec des fresques. C'est très... c'est de l'esthétisme au plus haut degré. Voilà, je suis sûr que c'est vraiment un endroit magique de la ville. Vous êtes passé devant la cathédrale di Duomo, donc c'est pareil, c'est une des plus belles cathédrales d'Italie. Et bien sûr, devant le mythique Scala, donc le plus magnifique opéra de la planète, par son acoustique, pas par son esthétique au niveau du bâtiment extérieur, qui est, somme toute, très sommaire, mais il paraît qu'une fois qu'on rentre à l'intérieur de la Scala, c'est une beauté sans pareil. Il te dit d'ailleurs que peut-être un jour, si tu veux, il pourra t'emmener visiter un peu la Scala, et il Duomo, il serait fier de te présenter la cathédrale, parce que c'est un bijou de l'Italie. Ah, mais j'espère que j'en aurai le temps, oui. Bien sûr, il espère. En tout cas, vous rentrez dans un bâtiment de la galerie, et tu vois qu'il commence à discuter avec des gens. Donc ça parle italien, donc tu ne maîtrises pas forcément très bien l'italien, tu as quelques notions de ta rencontre justement avec Gilles. Mais au bout de 10 minutes à peu près, il revient en disant que, a priori, un des employés du bâtiment où vous êtes, hein, de l'établissement où vous êtes, a vu ces personnes et qu'elles sont domiciliées pas très loin d'ici, dans un hôtel particulier, très très cher, où en gros ce sont des appartements de luxe, quoi. Et qu'en gros, il les a vus là-bas, parce qu'il a déjà eu l'occasion de travailler là-bas. Et du coup, vous rendez sur place. Eh bien, super, je suis excité de voir enfin arriver au bout de ce voyage. Parce que j'ai bien compris que j'ai voyagé pas mal de ville en ville pour, c'est ça. Pour essayer de rencontrer ces personnes. Et ça y est, elles sont là. Plusieurs jours pour atteindre ça. Et finalement, vous arrivez sur les lieux et ils discutent encore avec un employé qui dit qu'ils sont là, mais ils ne sont pas sur place en ce moment. Ils sont sortis, mais de mémoire, il a cru entendre que ce soir, ils allaient se rendre à la Scala pour voir justement l'opéra de la Diva. Et que là, il y a de fortes chances que vous puissiez les rencontrer, si vous attendez un petit peu. Ok. Du coup, je ne sais pas ce que tu comptes faire jusqu'à ce moment-là, parce que là, en gros, tu sais que ce soir, tu as une opportunité, tu peux peut-être les croiser, ou tomber sur eux. Mais voilà, après, pour l'instant, ils ne savent pas où ils sont, littéralement, ils sont sortis. Ou alors, tu peux tout à fait rester sur place et attendre que probablement ils rentrent chez eux, puisque là, au moins, tu es sûr qu'ils sont ici et qu'à un moment donné, il faudra bien qu'ils rentrent chez eux. Donc, tu as le choix. Mais c'est que après tout ce voyage, je voudrais quand même pas perdre cette opportunité. Donc je crois que je serais plus rassuré de rester sur place. Si jamais D'accord. d'ici là je ne vois rien, j'irai voir à la Scala au moment où ça commencera. Si pour voilà, si je les vois pas d'ici là. Bon, du coup, D'accord. je m'interroge quand même sur cette soirée à ce cas-là, puisqu'elle est quand même entre parenthèses, puisque on n'a toujours pas retrouvé la diva. Ouais. Bah du coup, Jill, il fait bon. Ok, tu veux rester, il n'y a pas de problème. Moi, je peux même te proposer une chose. J'ai une amie qui travaille en face. Hein, et je peux aller lui demander pour nous laisser la nuit. On peut rester en face et tu pourras regarder si, dès qu'il rentre et on va les voir. Il n'y a pas de problème. Et on ne paye rien du tout. Est-ce que ça te va? Tu peux me Et répéter, s'il là, te plaît, j'ai un peu perdu. il te dit, en gros, il n'y a pas de souci. Si tu veux qu'on reste, il n'y a pas de problème. Il y a un ami qui travaille juste en face et il peut lui prêter, en gros, le logement qui, enfin, une petite chambrette, une chambre de bonne qui est juste, qui donne sur les appartements et que vous restez là gratuitement et le temps que les autres rentrent chez eux. Hein. Eh bien, faisons ça. Je pensais D'accord. sinon m'installer sur une terrasse attenante à l'entrée ou quelque chose comme ça, mais oui, pourquoi pas, faisons ça. Bah écoute, vous finissez du coup par vous rendre dans cette petite chambre. Et, le temps que et le temps tourne. Se passe ce qui normalement aurait dû être l'heure du retour. Et rien ne se passe. Par contre, très vite, vous avez un des amis de Jill qui vous rejoint en courant et qui vous annonce qu'il y a eu une fusillade, des tirs ce soir pendant la Scala, pendant l'opéra. Que la police est à la recherche de plusieurs personnes et que de ce qu'on a entendu, même les chemises noires les recherchent. Ils ont mentionné trois personnes qui seraient en train de rechercher. Non, quatre personnes. Quatre personnes. Ils cherchent quatre personnes. Et on a retrouvé des chemises noires morts, des agents de police morts dans les rues, mais on les a pas retrouvés encore. Du coup, Gilet, il dit, mais c'est pas possible. C'est tes amis? C'est où? Ils sont quatre. Et tu me dis quatre, et là, il y a des morts, il y a des scalas. Alors, Qu'est-ce qu'ils font? moi, en partant de Londres, je recherchais quatre personnes. Mais c'est tout sûr que Ce c'est des bonnes personnes? ne sont pas mes amis, mais ils sont liés à une affaire, sur Londres. Ok, mais c'est tout blanc. Ok, on va rester là, on va attendre, mais je sais pas combien de temps. Il n'y a pas de problème, on va attendre. Vous attendez là plusieurs heures, la nuit se passe et on va récupérer nos amis Emilio, Peter et Alfredo. C'est le matin, il doit être 6 heures du matin, le soleil se lève doucement. C'est encore un peu dans, tu sais, entre chien et loup. Voilà, il fait encore nuit, voilà, la ville est calme mais sous tension. Tu vois quand même qu'il y a pas mal de voitures de police qui tournent un petit peu partout. Mais Alfredo, voilà, il connaît un petit peu les chemins de traverse pour vous diriger et il vous propose de vous ramener à votre endroit, enfin là où vous avez crèché, pour peut-être, on sait jamais, tomber sur Orlando et Catherine, parce que peut-être que c'est un endroit que vous avez en commun et que c'est peut-être plus probable que vous vous retrouviez là-bas. Donc, vous baladez un peu dans les rues, frôlant les murs, passant par des petites des ruelles sombres. Même à un moment, il vous fait passer par les égouts pour passer sur une place, pour passer en dessous de la place pour pas être emmerdé. Et vous finissez par vous retrouver dans la galerie. Et en face de quasiment en face de vos appartements. Toi, Albert, tu vois dans la pénombre s'approcher trois personnes. Alors il y a, tu reconnais un peu, pense trois hommes dont l'un d'eux porte quelque chose dans les mains assez volumineux. Mais bon, on est dans la pénombre, tu distingues pas bien les gens, tu saurais reconnaître si c'est eux ou pas, mais tu vois qu'ils se dirigent vers l'hôtel particulier et qu'ils s'apprêtent à rentrer à l'intérieur. Qu'est-ce que tu fais? De toute façon, même si je distingue pas leur visage, même si je peux pas les reconnaître, étant donné les dernières nouvelles, je m'attends à ce que les individus que je cherche fasse preuve d'un maximum de discrétion, et ces personnes-là ont l'air, oui, ont l'air vois, de vouloir être discrètes, donc. Exactement. Tu vois effectivement qu'ils sont vachement à l'affût, qu'ils avancent un peu à pas de loup. Ils sont pas, c'est pas genre les gens qui marchent normalement dans la rue. Ils sont clairement en mode, je regarde les partout. Louches. Et pourtant, voilà, ils sont louches, exactement. Donc, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je vais aller m'approcher d'eux. Je vais redescendre de là où je suis, là, et je vais les suivre, discrètement. Ok, donc, tu descends les escaliers qui te ramènent au niveau de la ruelle. Vous commencez à avancer en regardant un petit peu partout. Et toi, Gassa, enfin, Emilio, pardon, et toi, Peter, vous allez me faire un jet de... Ouais, ce serait toc, hein, je vois pas... Allez, vous allez toquer, hein. Ouais. Je peux pas avoir un bonus. J'ai fait un excellent jet. Alors... Peter et toi, Emilio, vous avancez en furetant un petit peu partout, en regardant un petit peu partout. Et au détour du bâtiment, en fait, qui est quasiment en face de votre hôtel particulier, vous remarquez une ombre, une silhouette qui en fait, sort du bâtiment d'en face. Et on dirait qu'elle vient vers nous. Cette silhouette a l'air effectivement d'aller dans votre direction, mais pas en mode genre je sors. Tu vois, c'est en mode. Faut remarquer que elle est dans le. Elle y va, enfin doucement, enfin genre. Avec crainte, enfin, ou je saurais pas le dire, mais voilà. Je te donne un coup de coude, Emilio. Un petit coup de tête aussi sur le côté. Par contre, vous voyez qu'Alfredo, lui, n'a rien vu. Il continue à avancer en direction de vos appartements. Je chuchote du coup à Emilio de rester un petit moment, et je vais monter avec ton ami, enfin avec le. Alfredo, j'allais dire Alberto. Alfredo à l'hôtel avec et je prends la statue. Enfin, il prend la statue avec plein de sang. Ouais, vous montez tous les deux et tu laisses Emilio en bas tout seul. Je fais le geek, quoi. Je suis posté là. Il n'y a pas grand chose à craindre, hein. Il n'a pas l'air d'être nombreux. D'ailleurs, au même moment où tu vois que Peter commencer un petit peu à suivre Alfredo, tu remarques, toi, Emilio, que finalement, il n'est pas tout seul. Ils sont deux. Parce que une deuxième silhouette se sort également de l'immeuble d'en face. Tout ça, bien sûr, en mode discret. De ton côté, Albert, tu fais quoi? Tu restes en retrait ou tu décides à un moment donné d'aller vraiment au contact et d'aller vers eux? De toute façon, je remarque qu'ils m'ont repéré, j'imagine. Tu sens quand même qu'il y a des coups d'œil qui vont dans ta direction assez régulièrement. Notamment Emilio, enfin un des gars qui a arrêté d'avancer et qui s'est un peu stoppé et qui a l'air de un peu furter, vraiment regarder dans ta direction. Bon, j'essaye d'avoir l'air le plus inoffensif possible. Je lève les mains en l'air pour plus avoir l'air de me cacher, en tout cas. Voilà, je m'avance en essayant d'être amical. Eh bien, Emilio, tu vois que la personne que tu avais vue au tout début s'avance dans ta direction, main levée. Et clairement, là, tu n'as plus de doute possible. C'est vers toi qu'il se dirige. Mais tu vois quand même que ses mains sont levées et qu'il montre bien ses paumes en mode je suis pas dangereux. Voilà, maintenant, je vous laisse gérer la rencontre. Vous êtes Emilio Duranti. J'ai la main qui se pose directement sur ma hanche, là où il y a mon holster, en fait. Ouais. Non, quoique non, mon holster, il est dans ma veste. Donc, dans la veste. Ouais, il y a ma main qui rentre directement dans ma veste, qui appuie sur mon arme. Vous êtes qui, bordel? Écoutez, je suis Albert Anderson, mais mon nom ne vous dira rien. C'est que je suis à votre poursuite, on va dire, depuis plusieurs jours. Je suis vos traces pour vous retrouver depuis Londres. Depuis Londres? Je vais jouer franc jeu avec vous. De toute façon, je ne suis pas du tout doué pour les mensonges, donc... je suis journaliste pour le Daily Express et j'ai été clairement nommé, on va dire, catapulté sur l'affaire du professeur Smith. Et voilà les premiers indices qu'on a eus là-dessus. Enfin, pas les indices, comment dire, la première voie qu'on nous a ouverte, c'est vers vous. En fait, on m'a présenté donc quatre personnes, enfin vous en compagnie de Catherine Lamberson et de Nelson, je ne me rappelle plus son nom. Baseboro. Et Peter Franklin. Vous étiez en contact avec le professeur Smith. Et bon, je pense que si vous voulez qu'on discute, peut-être qu'on sera mieux ailleurs que dans la rue. Jette un œil à gauche, à droite. Très bien, venez. Je regarde le journaliste qui l'accompagne et je fais « Et vous êtes vous ?»« Et vous êtes qui, en fait ?» Excusez-moi. Je vous ai pas présenté, oui, Gilles Trapattoni travaille ici en tant que journaliste aussi, il m'accompagne. Si, j'ai... J'ai aidé pour vous trouver. Bah, après, il te parle en italien parce que c'est un public pour lui. Oui. Voilà, et puis il t'explique que voilà, il lui a donné un coup de main parce que bah, il connaît pas la ville et il sait qu'il avait besoin et que c'est un ami de Londres, donc il lui a donné un coup de main, mais il n'a pas de problème contre vous. Voilà. Par contre, son instinct de journaliste fait que il peut pas s'empêcher de te poser la question, mais c'est vous les tirs de la Scala? Je ne dirai rien, j'ai juste posé la question. C'est pour qui je travaille? Non, mais vous allez me le dire. Je lui montre ma bague. La bague avec l'insigne de la famille. Ah. Ok. Ma bête. D'accord. En tout cas, moi je vais vous laisser, à moins que vous voulez que je reste, mais sinon, non, moi non. Je vais... Il vaudrait mieux pour vous et votre petit que vous partiez. D'accord. Mais ne vous inquiétez pas, ma bouche... cela fermé, je ne dirai rien. Et oui. Puis vous avez tué quelques chemises noires, alors ça fait toujours plaisir. Nous sommes pas très amis tous ensemble. J'ai bien cru comprendre. Voilà. Bonne soirée, okay. Monsieur. Buona giornata. Merci, Gilet. Ah, de rien. Et puis si tu as besoin encore d'aide, tu sais où me trouver. Toi aussi, n'hésite pas si à l'occasion tu passes à Londres. D'accord. Ciao. Ciao. Allez, Benedetti. Je ouvre la porte à William, enfin à Albert, et je l'invite à passer devant. D'accord, je rentre. Je ferme la porte. Je sors quand même l'arme au cas où de mon veston. Je la tiens dans la main. Et je lui dis... Montez. Nos appartements sont à l'étage. Moi, entre-temps, MJ. Oui. Moi, ce que je vais faire dans la chambre de Emilio et moi, c'est que je vais déballer le buste et je vais l'inspecter. D'accord. Bon, après, voilà, pour l'instant, tu n'as pas... Tu ne sais pas vraiment ce qui se passe en bas, parce que vous êtes monté déjà plus rapidement, donc tu n'as pas conscience de ce qui est en train de se passer en bas, mais c'est vrai que tout de suite tu pars dans votre chambre et voilà, tu déballes le buste qui est dans sa couverture ensanglantée. D'ailleurs, tu vois que tu as les mains pleines de sang de Nelson, ce qui limite... Je me suis lavé quand même les mains entre temps, je pense. Oui, mais voilà, le temps de déballer tout ça, voilà, t'as eu ces mains voilà, pleines de sang. Forcément, tu t'es lavé les mains comme jamais tu t'es lavé les mains toute ta vie. Tu finis effectivement par voir ce buste qui, tout comme le bras gauche que vous avez déjà récupéré, eh bien, possède les mêmes symboles. En gros, le buste, mais en tout petit, mais en plein de... Enfin, comme si il était immaculé de plein de bustes miniatures dessinés sur lui, et avec une finition folle. Genre, c'est du millimètre, quoi. C'est assez incroyable. Et avec cette même matière un peu céramique, mais je ne saurais pas trop dire ce que c'est, mais ça ressemble à, mais ça n'en est pas non plus. Voilà. Mais oui. J'avais souvenir qu'on avait trouvé un parchemin de Sedefkar. C'était pour quelle partie du corps? La tête? C'est une très bonne question. Moi aussi, je l'ai oublié. C'était attends, j'avoue que ouais, moi aussi je c'est le parchemin que vous avez trouvé à Lausanne. Est-ce que je l'ai mis? J'espère que je l'ai mis d'ailleurs. Partir de Lausanne. Oui, c'est, en fait, c'est un parchemin qui détaille en gros le simulacre. C'est la tête. Il y avait une histoire en plus bizarre. très oui, bizarre. Et celui de la tête qui détaille en gros les pensées de et l'histoire de Sedefkar. Qui te dit qu'il y a d'autres parchemins qui sont celui du ventre décrivant le culte d'une entité qui se nomme l'écorché, des jambes, une série de magies affectant le corps et à base de pouvoir de Sedefkar, de la main droite, le rituel d'éveil de la statue et celui de la force motrice du pouvoir de Sedefkar, enfin celui de la main gauche contenant un rituel d'équilibre. Un sacrifice régulier et nécessaire. Mais voilà, tu vois que c'est un. J'ai pas entendu pour le tronc, c'est quoi? Le tronc, c'est. Ceux du ventre. Décrivant le culte d'une entité qui s'appelle l'écorché. Celui du tronc, enfin. En fait, c'est le ventre. Oui, il appelle ça le ventre. On va parler de l'écorché. Oh là là, je commence à devenir fou. Je vais tenter de voir s'il n'y aurait pas. Comme une trappe secrète, une trappe cachée peut-être pour l'intérieur du buste, mais tu vois, je commence à partir dans des délires et j'ai pas très envie de toucher, mais j'ai quand même envie d'effleurer le truc. Ok, bah tu vas commencer à chercher, tu verras que il y a rien qui puisse vraiment s'apparenter à quelque chose d'une trappe ou d'un quelque truc caché qui pourrait s'ouvrir, sauf que tu vas me faire un jet de pouvoir. Ah, c'est bon, j'ai quand même 70. Oh là là! Tu touches, effectivement, tu viens effleurer plus d'une fois le buste pour essayer de voir, sonder s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait s'y cacher. Tu sens qu'au niveau des mains, ça te brûle les doigts quand même. Tu sens des petite brûlure quand tu es vraiment en contact et tu sens que ça a une réaction quand même au niveau de ton torse, comme si tu avais des picotements de ton thorax, mais ça reste soutenable, hein. Tu vois, ça t'affecte pas plus que des picotements. Tout ça. Donc, et au moment où tu arrêtes de le toucher, ça s'arrête. Okay. Et pareil pour le bras, il se passe quoi? Tu cherchais le bras aussi? C'est le torse et le bras? Ah, ton bras! Ton bras, lui, et tu remarques qu'il a toujours des espèces de gros eczémas, que ça te gratte un peu partout. Bah, on va lui donner un truc Mais avec toute l'adrénaline et tout ce qui s'est passé avant, c'est clairement passé au cinquième plan. Donc, tu as un peu oublié ton bras à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là où tu entends du coup la porte de l'appartement qui s'ouvre. Emilio rentre à l'intérieur, mais tu vois que il fait rentrer d'abord un homme à l'intérieur. Mais tu vois de façon assez rapide que Emilio tient dans sa main son revolver. Tu me mets en joue là? Non, j'ai le bras ballant en fait, et j'ai juste mon arme dans la main au cas où. Ce qui n'empêche pas que je suis ultra stressé. tu vois d'ailleurs que l'homme est très stressé, évidemment. Moi, tu vois que j'ai les bandages au niveau du bras. Et que j'ai pas l'air si bien aussi. Je crois que je suis un peu livide avec ce qui vient de se passer, quoi. Oui, ouais, c'est pas super bien, ouais, ça, j'avoue. Tu fais face à un Peter que tu reconnais tout de suite, toi, Albert. Tu reconnais l'acteur, hein, parce que tu n'avais jamais vu Emilio avant, mais tu en as déduit de par son faciès, il y avait de fortes chances que ce soit Emilio Durante. Ouais. Du coup, tu remarques que quand tu rentres dans l'appartement, il y a un troisième homme avec eux qui physiquement a l'air d'être aussi italien au niveau du faciès, type italien, mais il n'y a personne d'autre. Que l'homme te regarde avec un regard assez noir, assez, assez tendu. Emilio, qui est-ce ? Un journaliste qui enquête sur la disparition du professeur Smith. C'est à Londres. Enfin... Oui. Le professeur Smith était à Londres, dernière nouvelle. Et quelqu'un aurait signalé que qu'on était les dernières personnes à l'avoir vu. Ah. Alors je me demande bien qui est ce quelqu'un de base. Oui. Que la seule personne qui nous ait vu avec le professeur Smith, c'est son majordome, et son majordome est parti avec lui dans sa maison de campagne. Monsieur, bienvenue en Italie, à Milan. Bravo d'avoir fait tout ce chemin. Voilà, si c'était juste pour cette information-là. Mais vous voulez le retrouver, j'imagine, si vous êtes venu jusqu'ici. Oui, c'est... Enfin... Disons que mon objectif premier, en tant que journaliste, serait d'écrire un superbe article qui relaterait les événements... pour lever le voile sur sa disparition. Mais je vous avoue que je n'ai aucune expérience du terrain. Vous voyez, de par mon jeune âge, en fait, que je débute dans ce métier. Et que cet état de stress dans lequel je suis ne fait qu'augmenter ma confusion, en fait. Et j'ai envie de vous dire clairement que si je suis là, avant tout, c'est parce que le professeur Smith est en réalité mon oncle. Ah. Et si je me suis mis au devant de cette enquête, c'était surtout parce que oui, je voulais le retrouver. Eh ben, qu'on peut faire, on peut voir s'il ment pas là. Ben, faites un test de psychologie. Oui. Juste, tu vois, en fait, je pense que d'un côté, on est un peu parano, mais de l'autre, on est prêt à se croire. Ouais, mais faites... Après, moi, j'affiche un état de stress, on va te demander un état de stress de haut niveau. Je suis un mauvais menteur. En fait, la seule personne qui aurait pu valider, il est mort, tu vois. C'est... J'imagine que vous pouvez me voir en train de suinter de partout... à la vue de sang et d'armes, et je crois que je vais pas tarder à pâlir autant que toi. Moi, je peux pas. Je peux pas te dire. La seule personne qui aurait pu te confirmer, c'était Nelson Bessborough, parce qu'il connaissait depuis bien plus longtemps le professeur Smith. Mm. Nous, on le connaissait rapidement, quoi. Enfin... Et donc vous deux, clairement, vous êtes très sceptiques sur ce qu'il raconte. En même temps, c'est quand même bizarre que de ce que vous avez connu avec le professeur Smith, il vous ait jamais parlé d'un neveu qui serait journaliste ou que voilà, il serait proche de quelqu'un. Vous l'avez jamais vu. Enfin, en même temps, depuis tant que vous le connaissez ou que vous l'avez fréquenté. Après, c'est vrai que toi, Peter. Tu connais un peu le professeur Smith depuis très peu de temps et il connaissait plus ton père que... Toi, Emilio, c'est pareil, tu le connais, tu connais, mais bon, c'est pas non plus la personne la plus proche que t'aies jamais eue dans toute ta vie. Bah, c'est surtout que c'est mon patron qui le connaissait le plus tôt. Enfin, ouais, voilà, c'est ça. Un intermédiaire, enfin, voilà. Donc, mais de ce que vous avez eu le temps d'avoir comme information, il a jamais parlé d'avoir un neveu, et d'un neveu journaliste, jamais non plus. Par contre, vous avez... Alfredo ? Qui est à côté, qui regarde la scène de façon assez neutre, qui s'avance de façon assez franche vers toi, Albert. Voilà. Et tu vois que il te fait littéralement te mettre à genoux au sol et te pointe une arme sur la tête. Ah bon, je mets mes mains comme ça, je mets mes mains devant mon visage, je commence à sangloter. Et non, il non. te dit, dis-nous la vérité, tout de suite. Est-ce que vraiment, tu es le neveu de cet homme que je ne connais pas? Je ne dis que la vérité, je vous assure. Je ne sais pas comment on peut vérifier ça, je ne sais pas, vous pouvez regarder... Non, on n'a pas le même nom en plus, donc... Je ne sais pas mentir, je vous dis la vérité. Bon, je le laisse, tu vois, avoir vraiment bien bien peur, tu vois, qui marine un peu, et après je dis à Alfredo, c'est bon, il dit la vérité. Et vous voyez, je suis limite en train de me pisser dessus. Albert, voilà, Albert en panique totale, mais qui malgré tout tient toujours le même discours de c'est mon oncle, malgré une panique de malade. D'ailleurs, tu vas me faire un jet de santé mentale, tiens. De suite. Ah bah là, moi, c'est la première fois qu'on te met un flingue sur la tempe, enfin sur la tête, voilà quoi. Donc je vais faire le jet de santé mentale pour toi, malheureusement. Ah, à part que si. Ah, non, tu t'as pas accès à ta fiche là, vu que t'es dans le jeu. Alors je peux tenter. J'ai peur que ça plante en fait. J'en suis plus tout. Je veux bien tenter. Bah attends, de toute façon on est plus à ça après. Là on arrive à la fin. Hein. il est. On te dira juste adieu et puis. C'est pas grave. Au pire, je ferai le jet pour toi, mais tu fais un jet de santé mentale et on n'en parle plus. Tu mets pas de bonus, rien. Non, bah non. Santé mentale, pro. Et voilà, ça marche. Eh bien, tu malgré la situation. Tu gères quand même si t'es à la limite de craquer. Mais tu voyais quand même que voilà, il est pas dans un état de serein pour vous qui le voyez en mode. Pour lui, il croit qu'il va crever quoi. Donc, mais intérieurement, t'es pas encore au bout du monde quoi. Tu sens que si ça dure un peu plus longtemps, par contre, ouais. Tu pourrais complètement partir en vrille. Mais là, voilà, c'est vraiment au seuil de la peur de malade. Quoi. Ah bah donc, on est loin de la zone de confort, là. Voilà. Donc Emilio, c'est le moment où tu décides de... Stop. Il a eu son compte, hein. Soit il nous aurait dit la vérité, soit ceci est la vérité. De toute façon, j'ai ma carte de presse, ça je peux au moins vous prouver que je suis journaliste. Mais vous savez, moi aussi je peux avoir une carte de presse comme ça. Hein. Et pourtant je suis pas journaliste. Mais non, je vous crois. Je crois. Je vais demander à Alberto d'arrêter de le pointer avec son arme. Mais je vais lui demander. Alfredo s'arrête. Il dit écoute, d'accord. Si c'est toi qui le demande, j'arrête. Mais fais quand même attention. Je vais quand même jeter un œil sur lui. Je me dis, il a fait quand même beaucoup de chemin. Il doit tenir à son oncle. Mais bon. Merci. Et bah, sache qu'il est en. Bien, enfin, dans dernière nouvelle, il était brûlé au quatrième degré, mais voilà. En vie, avec du difficulté à respirer. Son majordome prête assistance, et sache que c'est un coup de personnes que nous appellerons juste les Turcs qui ont fait incendier la maison, le manoir de monsieur. Et il nous a donné comme mission tout simplement une requête personnelle. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Et pour ton bien, je pense que tu n'as pas intérêt à nous suivre en plus. Tu ne comprendrais pas ce qu'on fait. Alors là, je suis... Je cache le buste, quoi, comme ça. Qu'est-ce que c'est ? C'est ça, un journaliste, quoi. Qu'est-ce que vous cachez derrière ? Un peu le truc, quoi. Après, si tu veux qu'on joue full RP, clairement, on le saucissonne et on le jette dans non, dans mais dans le sens... voilà, non, vous avez quand même le neveu. Bon, je pense que maintenant, vous avez à accepter le fait que ce soit vraiment son neveu. Qu'il s'inquiète pour son oncle et qu'il vient, en gros, vous voir pour savoir ce qu'il en est. Mais à la fois, vous avez quand même un journaliste qui vous éveillez en lui la curiosité maladive qu'ont les journalistes, à savoir qu'est-ce qui se passe, quoi, que se passe-t-il, que cachez-vous, j'aimerais savoir, tu vois. Donc forcément, Albert veut des réponses maintenant. Bon. Mais par contre, toi, Albert, de ton côté, tu remarques tout de même que sur les 4 personnes que tu cherchais, puisque maintenant ils ont clairement nommé le 3e homme qui était avec eux, qui s'appelle Alfredo, tu l'as entendu, eh bien, 2 personnes sont toujours manquantes. Catherine Lamberstone et Nelson Baseball. Et donc, du coup, ben, je pose la question. Et donc, je vous recherchais, vous, ainsi que Catherine et Nelson. Où sont-ils ? Sont-ils avec mon oncle ? Non, non, mais... Enfin, j'espère pas pour Nelson. Enfin, pour ton oncle, du coup. Mais, pour le coup... Nelson est mort. Je suis à cet hôtel. Il est mort il y a quelques heures. On n'est pas obligé de lui dire, non ? Ça y est, bah, il l'a fait, c'est fait. Ah, mais il est extrêmement froid, là, Emilio, sur la mort de... Bon, écoute... Tu apprends la mort de Nelson. Il est mort pour aider ton oncle, voilà. Pour les projets de ton oncle, ouais. On y risque notre oncle pour cette histoire, alors que bon... Tout ça amène tant de questions. Où est mon oncle ? Ça, c'est une bonne question. Je crois qu'il était à Whitechapel la dernière fois qu'on l'avait laissé. La dernière fois qu'on l'avait laissé, il se cassait dans une maison de campagne. Il disait qu'il déjà, la dernière fois qu'on l'a vu, c'était à Whitechapel. En fait, il vous a réellement rien dit du tout sur où il allait. Il vous a dit qu'il allait à la campagne. Pouvait pas savoir. En fait, il allait aller quelque part, mais qu'il pouvait pas vous dire clairement où il allait. Donc en soi, vous ne savez absolument pas où il est. J'aime bien parce que je pense que pour moi, il reste disparu. C'est une théorie de Grenadine de dire que c'était lui le méchant de base et qu'on fait tout pour les projets du méchant. L'autre, carrément. Mais bon, moi, du coup, par rapport à sa question, vous répondez il est à la campagne ? Il prend un petit bol d'air frais ? Oui, non, rien, où est-ce qu'il est, il s'est cassé, il est allé se cacher. Ouais, il y a toujours les Turcs qui cherchent à le nuire. Alors il est en danger. Oui. C'est pour ça qu'on doit les arrêter. C'est pour ça que moi, Emilio et Catherine allons faire ce qui doit être fait pour enfin en finir avec les Turcs. Et donc, il n'y a aucun moyen de rentrer en contact avec lui ? Absolument pas. Non. Il doit avoir une voyante ? Une voyante ? Il sortira beaucoup que si nous réussissons la mission, ou du moins si on échoue en essayant. Bah, après, vous vous souvenez qu'il vous a dit que... Le majordome... Voilà, il pourrait vous contacter via des messages. Regarde, j'ai plus le mot là. Par Telegram. Voilà. Mais ce sera pas tout le temps, pas genre de temps en temps. Bah, je crois qu'on en a fait qu'un depuis le début, donc. Ouais, c'est ça. On a zéro contact avec lui en fait. Mais en fait, mais on peut pas, on n'a pas d'adresse pour envoyer le télégramme, hein. Si, en fait, on donne ça et le majordome se transmettra le message. C'est le majordome qui En fait, vous ne pouvez pas envoyer le message. Mais lui, il peut, parce qu'en Ah. fait, via l'Orient Express, parce qu'il sait que vous le prenez, en fait, il D'accord. adresse ça à l'un d'entre vous. Et en gros, bah, quand ils savent que les personnes, vu qu'elles elles s'enregistrent en gros sur le truc, et ben, ils vous transmettent à ce moment-là du coup le télégramme qui a été envoyé. Donc après, ça peut être ils ont pu le recevoir il y a 2 jours, mais comme vous n'avez pas pris le train depuis 2 jours, bah, le télégramme il reste là en fait. Tant que vous n'êtes pas re-rentré dans le train, bah, vous n'avez pas reçu. Il n'y a rien qui vous dit que peut-être. La prochaine fois que vous allez monter dans l'Orient Express, eh ben incroyable, il peut y avoir un télégramme pour vous. Bon, Voilà. dans tous les cas, oui, je lui dis que nous allons partir prendre l'Orient Express au plus tôt dès que Catherine sera revenue et partiront vers l'est, vers Venise, je crois, la prochaine destination. Ah, quoique, Si, attends, c'est je. ouais, c'est Non, Venise la non. prochaine. Il y a juste un truc, j'ai oublié, mais il manque un morceau. C'était un riche Milanais qu'il avait. J'ai souvenir que ça, c'est. Bah, tu l'as Bon, trouvé. on verra. Bah, là, on vient de le trouver, hein. C'est Le celui-là? riche Milanais, tu l'as trouvé là? Oui, on l'a vu. Alors, il est mort, le riche Milanais, là. Oui, c'était pas faux. Il est calé. Hein. Bah non. Vous l'avez pas. Là, clairement, celui qui vous courait après, vous savez pas où il est, quoi. Ah Non, non, mais celui là, qu'on. Non. c'est. Moi, je parle Le riche Milanais, de. c'est le type. Ah oui, tu parles de. Non, alors celui que vous avez tué, c'est pas forcément lui qui a récupéré le buste. Donc, il y en a un autre homme riche. Bah, en même temps, il y a le fameux homme qui chante avec la voix de la diva, que vous avez pas. Voilà, il vous a Non, non. poursuivi, mais vous savez pas s'il a été tué ou quoi que ce soit. Je demande au journaliste, il loge où? Comment? Tu loges où? Oh, je loge en retrait de la ville dans un petit hôtel. Oui. T'as tes affaires là-bas, j'imagine. Oui. Petite valise. Donc, je pense à un truc, mais bon. Mais enfin, ce soir, ce sera mieux que tu dormes ici, si on part pas immédiatement pour qu'on t'ait à l'œil, quoi. Oui, ça, je suis d'accord, je comprends. De toute façon, je n'ai aucune intention de vous quitter. J'ai fait tout ce chemin pour arriver jusque-là. Ah bah, tu peux faire Vous êtes l'aller-retour. ma seule chance de revoir mon oncle et vous savez, il est ma seule famille et je m'en remets complètement à lui. J'aimerais, si je peux le contacter, si je peux le voir, vous êtes ma seule chance. Mais dis-moi, je pensais aussi qu'il n'avait pas de descendants, du coup, sa fortune pourrait te revenir, entre guillemets. N'est-ce pas? Vous m'avez dit qu'il allait bien. Oui. Il s'est fait brûler au troisième degré, hein. Son Bah, je visage est sais pas. calciné. Je pose juste des questions qui peuvent paraître bizarres, étranges, mais c'est des questions qui me paraissent pertinentes dans cette situation où tu viens justement de le chercher pour nous demander où est ton oncle. On n'a jamais discuté de ça avec mon oncle. Je vous avoue que là, justement, vous éveillez une question en moi qui ne s'était jamais posée. Il a toujours été présent financièrement, quand il pouvait. Il m'a guidé. Peut-être que je suis sur son testament. Je n'en sais rien. Bon, C'est pas ça moi la question la plus importante, de toute façon. oui, c'est ce que j'allais dire. Sachez juste une chose. Si vous nous accompagnez, votre vie sera indéniablement en danger. Vos sommeils seront plus du tout les mêmes. Tu vois en face de toi, Albert, des gens, maintenant tu te rends compte, même si Emilio arbore un visage assez froid et dur, que c'est clairement des gens qui sont tourmentés, qui sont, comment dire, qui sont marqués psychologiquement, profondément. Et que celui qui est le plus marqué des deux, eh bien, c'est Peter. Tu sens que vraiment il est très pâle, il a un regard assez livide, mais presque. Et que ce qui a dû se passer ce soir, enfin cette nuit plutôt, l'a beaucoup marqué. Et probablement que même la mort de Nelson, que tu n'as jamais vue, est peut-être aussi une des causes de cela. Mais tu comprends que effectivement, si tu décides de te joindre à eux, eh bien, tu risques de côtoyer des choses pas cool, quoi. Des forces indescriptibles. Bah, peut-être pas des forces indescriptibles, parce qu'il en a aucunement conscience pour l'instant, hein, mais voilà, du danger, ça c'est certain. Bah, on n'est pas loin d'être recherché par pratiquement la police italienne, donc c'est ça. Ils ne savent pas qui on est. Eh bien, je suis quand même un grand péteux dans le fond, ça se voit sûrement sur moi, mais... La curiosité est ce qui m'a amené jusque-là, c'est ce qui m'a amené à choisir la voie du journalisme. Et puis, je suis jeune et influençable. De votre côté, Emilio et Peter, en regardant un peu de plus près ce jeune Albert, vous voyez clairement que c'est pas le plus courageux des hommes. En même temps, voilà, je pense que pas mal de monde aurait eu la même réaction avec une personne qui te pointe un flingue sur la tempe. Mais vous voyez tout de même au fond de ses yeux, au fond de ton regard, une certaine détermination de par le fait de trouver son oncle ou de faire quelque chose pour aider son oncle, et que ça va être compliqué de faire sans aujourd'hui ce jeune Albert. Maintenant, ça va être à vous de savoir comment vous allez gérer sa venue et comment vous allez le mettre un peu au courant de ce qui l'attend, ou si vous décidez pour l'instant de ne pas lui en parler. Mais ça, eh bien, mes très chers amis, on verra ça la prochaine fois, puisque au moment où vous terminez cette discussion, la porte de l'appartement s'ouvre, laissant entrevoir Catherine, suivie de Orlando. Et d'une vieille femme qui finissent par rentrer à l'intérieur. Ils referment la porte derrière eux. Et on va s'arrêter là pour ce soir. Je vais lancer l'outro. Et après, on pourra faire un petit briefing si vous voulez. Petit brief.